Tiens, dis la prod, ne t'appartiens pas. Ce soir, on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir, on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir, on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir, on est des sorties, mais qui voilà. On t'allume dans ta tête, sans stress. Quelques barrettes dans les fesses, sans stress. Week-end de dernier Mercedes, classe S. Et je me balade dans la tête, sans stress. Le guetteur s'est fait péter, il faut que je trouve un petit de la tête. Le client n'a pas payé, il faut que je retrouve son adresse. Et comme je gère le rendu, j'ai un tapé sous ma veste. Ils font du business avec moi, mais je sais qu'ils me détestent. À la base, je suis un intello, tombé amoureux d'un kilo. Elle voudrait dormir chez moi, mais je la ramène au télo. On a fait nos bails, et puis voilà. Si un bolos m'appelle, elle n'aura plus de valeur. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. On t'allume dans ta tête, sans stress. Quelques barrettes dans les fesses, sans stress. Week-end de dernier Mercedes, classe S. Et je me balade dans la tête, sans stress. Ils ont suivi ton poteau, il a fini dans le coffre. Une voiture de location que les keufs ont pris en toffe. Et sous la menace MER, il a donné quelques œufs. Yoti est rescaté, j'ai ça, aller-retour Panameda. Mais non, c'est pas la peine, nous on t'allume sans raison. La juge met les doubles peines, aller-retour en prison. T'as laissé ta meuf en haine, ça t'a quitté pour un autre. Tu repars à zéro, et puis voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. Ce soir on est des sorties, mais qui voilà. On t'allume dans ta tête, sans stress. Quelques barrettes dans les fesses, sans stress. Week-end de dernier Mercedes, classe. Et je me balade dans la tête, sans